إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le numéro 27 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid avec l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan et on avait expliqué la semaine passée le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu et c'est le hadith dans lequel on explique que Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu a été envoyé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers le Yémen pour appeler les gens du livre à l'islam, ok, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith avait indiqué à Mu'adh ibn Jabal qu'il devait commencer par le tawhid et ensuite la salat, s'ils acceptent le tawhid, tu leur expliques la salat, s'ils acceptent la salat, tu leur expliques al-zaka ila akhirihi. Donc ça c'est le hadith qu'on avait expliqué et on avait expliqué, on avait terminé de lire l'explication. Maintenant, juste pour faire en même temps un petit résumé, on va lire les fawa'id. Qu'est-ce qu'on peut extraire de ce, qu'est-ce qu'on peut extraire de ce hadith comme fawa'id ou masa'il, comme le cheikh dit. لدل هذا الحديث على مسائل كثيرة. أولا فيه إرسال الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. Donc, comme point qu'on peut extraire de ce hadith, premièrement, c'est qu'il y a la preuve dans ce hadith-là qu'on peut envoyer des gens pour appeler les gens à l'islam dans différents pays dans le monde. Et donc ça indique que s'il y a un pays musulman, eh bien, un des devoirs des responsables de ce pays-là, c'est d'envoyer des gens qui sont qualifiés, qui sont capables d'appeler les gens dans d'autres pays à l'islam. Ou bien des gens dans différentes villes de ce pays-là, de les appeler ou de leur enseigner l'islam. D'accord? Ça fait partie d'un principe qui fait partie de la religion. Daniel, c'est une fadilatun li Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu. Deuxièmement, ça montre le mérite de ce compagnon-là, Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu. Ça montre qu'il avait un grand mérite et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui faisait confiance pour sa science, pour son comportement, pour son intelligence, pour comment il était capable de juger, etc. Donc ça montre que Mu'adh ibn Jabal avait une place d'importance auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il avait une science de la religion, une bonne compréhension de la religion. Thalithan, fihi qabul khabr al-wahid fil aqaidi wa ghayriha. Il y a dans ce hadith-là la preuve qu'on accepte, qu'on doit accepter l'information qui vient d'un seul narrateur dans les questions de aqida comme dans les questions de ahkam également. Contrairement aux Mu'tazila et à ceux qui ont suivi les Mu'tazila parmi les Asha'ira et d'autres qui n'acceptent pas les ahadith ahad lorsqu'ils parlent de questions de aqida et en particulier yani les questions qui ont rapport avec l'asma wa sifat. Il rejette les hadiths ahad, même si ce sont des hadiths authentiques. Tandis qu'Ahl Sunnah wal Jama'a, on accepte les hadiths ahad, même si ils sont ahad, tant qu'ils sont sahih, tant qu'ils sont authentiques, on les accepte. Et dans ce hadith-là, il y a une preuve pour ça, parce que Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, il est parti au Yémen tout seul pour enseigner l'islam. Et il allait leur enseigner le tawhid. Donc ça c'est la base de l'aqida. Et puisqu'il était seul, il allait leur enseigner le tawhid. Ça veut dire que ces gens-là au Yémen, lorsqu'ils entendaient Mu'adh leur expliquer le tawhid et l'islam et l'iman et tout, eh bien, ils doivent croire en ce que Mu'adh ibn Jabal leur enseigne. Ils ne peuvent pas dire à Mu'adh ibn Jabal, non, toi t'es ahad, toi t'es toute seule, et il faut que tu amènes d'autres avec toi pour qu'on croie en ce que tu dis dans les questions d'aqida. Hein. Donc ça c'est absurde. Donc il y a une preuve qu'on accepte, al-khabr al-ahad. Quatrièmement, فيه بيان منهج الدعوة وهذا أصل عظيم وهو أنه يتدرج فيها ويبدأ بالأهم فالأهم. Quatrièmement, il y a l'explication dans le hadith de Mu'adh de la méthodologie qu'on doit utiliser dans le da'wah, comment on doit procéder quand on appelle les gens à l'islam. Et ça c'est un des fondements très importants, c'est très important de bien comprendre ça, c'est-à-dire qu'on doit y aller étape par étape dans la da'wah et de commencer par ce qui est plus important en premier, puis ainsi de suite. D'accord? Il ne faut pas sauter les étapes. Tu vas expliquer à un chrétien ou un juif comment faire le wudu ou comment faire l'istinja, puis tu ne lui as même pas encore expliqué qu'est-ce que c'est la ilaha illallah, ça ne fait pas de sens. Hein? Donc tu commences avec les choses de base et après tu construis dessus le reste. Khamisan, وفي الحديث دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث إلى جميع العالم اليهود والنصارى وغيرهم. وإذا كان مبعوثا إلى اليهود والنصارى وهم أهل كتاب فغيرهم من باب أولى. Donc le cheikh il dit quoi, il dit il y a dans ce hadith la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un message qui est général et qu'il a été envoyé à tous les êtres sur la terre, à tous les, c'est-à-dire à tous les êtres humains sur la terre, les juifs et les chrétiens et les autres. Pas seulement pour une catégorie des êtres humains ou une ethnie parmi les ethnies des êtres humains en particulier. D'accord? Son message est universel. Donc il est venu pour tous les êtres et même pour les juifs et pour les chrétiens, et le cheikh il dit que s'il est venu pour les juifs et pour les chrétiens, alors qu'ils sont des gens qui possèdent un livre, et qui ont reçu des révélations avant nous, avant les musulmans, ils ont reçu l'Injil, ils ont reçu la Torah, et ils ont cru en, Allah leur avait envoyé beaucoup de messagers, beaucoup de prophètes avant, donc si eux sont appelés à accepter l'islam, et bien les autres peuples encore plus, eux aussi, d'accord. Et en passant juste pour un détail à ce sujet-là, comme si on voit que de plus en plus il y a cette da'wa actuellement, cette idée qu'il ne faut pas dire à propos des juifs et des chrétiens qu'ils sont des koufars, il ne faut pas se distinguer entre les êtres, entre les gens par rapport à leur religion, il faut accepter tout le monde, et ils disent, dites pas à propos d'un juif ou d'un chrétien qu'il est kafir. Ça, en fait, il y a un petit. L'autre fois, j'ai discuté avec des frères, parce qu'il y a un frère qui m'avait fait la critique à ce sujet-là. Il dit, toi, Akhi, quand tu fais ta khutbah, ou bien quand tu fais des drousses, quand tu parles, tu dis tout le temps kuffar, kuffar, kafir, kafir. Il dit, il ne faudrait pas que tu dises ça. Hein. Quand tu veux parler, par exemple, du danger de l'éducation chez les kuffars, quand on envoie nos enfants à l'école, dis pas que c'est l'influence des kuffars. Dis, il faut que les musulmans aient un grand intérêt ou fassent attention à l'éducation de leurs enfants, sans mentionner que c'est le fait que les koufars sont une menace, dans le sens qu'ils les influencent d'une façon négative, etc. Et moi je lui ai répondu à ce frère, je lui ai dit, premièrement, il faut distinguer entre les mu'minines, les croyants, et les kafirines, les non-croyants. Parce que Allah, dans le Coran, il a fait cette distinction-là entre les mu'minines et les kuffars, et ça se rapporte à la foi, à l'iman, ceux qui ont accepté l'iman et ceux qui ont rejeté l'iman, d'accord. Et c'est pour distinguer entre les mu'minines et les kuffars, c'est pas pour disons, c'est pas comme certains s'imaginent, comme si c'est une insulte, dans le sens comme si tu traites quelqu'un de mauvais mots, hein, comme des mauvais mots ou des gros mots. Mais c'est une réalité que tu es en train de décrire, de la description de l'état d'une personne par rapport à sa foi, ou par rapport à la foi en général, par rapport au Coran, par rapport au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la révélation. Est-ce que tu y crois ou est-ce que tu y crois pas? Si tu y crois, t'es un mu'min, t'es un musulman. Si tu y crois pas, t'es un kafir. Il n'y a pas un état entre les deux. Soit que t'es entre l'islam, entre le kufr. Non. Soit tu es kafir, soit tu es musulman. Et même le kuffar, eux aussi, ils se distinguent par rapport aux autres qui ne croient pas en leur religion. Hein? Comme par exemple, les juifs, quand ils parlent des gens qui ne sont pas juifs, ils les appellent des goy. Hein? Et ils les traitent de goy. Et ça, ça fait partie, ça c'est les termes qu'ils utilisent quand ils parlent des chrétiens, quand ils parlent des musulmans, quand ils parlent des autres peuples qui ne sont pas juifs. Ils se distinguent par rapport à eux, par ces termes-là. Pourquoi ils, hein? Non, c'est dans leur langue à eux, en hébreu, mais même si tu regardes dans le dictionnaire, français, tu vas regarder dans le dictionnaire Robert ou dans le Larousse, tu vas trouver G-O-Y, c'est écrit dans le dictionnaire, ça veut dire celui qui n'est pas juif, le goy. Et le pluriel, c'est goyim, hein. Et le féminin, je pense, c'est goya, si je ne me trompe pas. Donc quand ils parlent des gens qui ne sont pas juifs, ils disent « Ah les goy, ça c'est des goy, etc. » Hein? Donc, est-ce qu'ils vont leur interdire à eux aussi de dire aux gens qui ne sont pas juifs « goy » Moi j'étais dans un magasin une fois, je travaillais dans un magasin il y a quelques années, puis il y a une famille, une femme juive qui est venue acheter avec ses petits-enfants. Elle avait une petite fille, puis des garçons, puis avec eux il y avait un qui était tout petit, il avait peut-être 2 ans et demi, 3 ans, il était très très petit, et c'est des juifs de New York qui venaient à Montréal, je connais l'accent de ceux-là, c'est des juifs orthodoxes de New York, mais ils étaient ici en visite parce qu'ils viennent souvent, bon, et elle voulait acheter des trucs pour ses enfants, pour mettre dans leurs pieds, donc il y a le plus petit parmi eux qui commence à me regarder et il me fixe, il ne lâche pas du regard, hein. Et j'avais ma barbe, j'avais mon petit tapis, hein, sur ma tête, donc il n'arrête pas de me regarder. Et là tout d'un coup il commence à me poser des questions, il me dit « Are you a goy ?» Hein? Et moi je fais semblant de rien, comme si c'est un enfant, tu vois. Et là il répète encore « Are you a goy ?» Are you a goy? Are you a goy? L'arrête pas comme ça. Et là, sa mère, elle dit, arrête, tu vas embarrasser le monsieur. Arrête de lui poser cette question. Je dis, non, ça dérange pas. Je peux poser la question. Mais c'est un enfant. Bon, je peux pas lui expliquer, même si je lui explique. Mais il voit que j'ai une barbe, que j'ai une papille, et que je suis, Yanni. Différent des autres. Donc, il peut s'imagine, il sait pas, est-ce que je suis musulman, est-ce que je suis juif, il peut pas savoir, parce qu'il est trop petit pour comprendre. Donc, j'ai réfléchi à cette situation-là, qu'est-ce que ça s'est produit, ça, puis je me suis dit, regardez, subhanallah, c'est une femme juive avec ses enfants, le petit, il a même pas 3 ans, hein, il a même pas 3 ans, puis il me regarde et il me demande, est-ce que je suis un goy? Ça veut dire que ces parents-là, ils ont éduqué cet enfant-là pour lui faire comprendre qu'il y a une différence entre un juif et un non-juif. Maintenant, il y a beaucoup d'enfants musulmans, hein, ils savent même pas faire la différence entre un musulman et un kafir. Hein, c'est vrai. Ils ne savent même pas le mot kafir. Ils ne connaissent même pas ce mot-là. Ils ne peuvent même pas l'utiliser, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. La plupart des musulmans, si tu lui demandes c'est quoi le kufr, ils ne savent pas. C'est quoi le shirk? Ils savent pas. C'est quoi le tawhid? Ils savent pas. Les détails de ça. C'est quoi le nifaq? Ils connaissent pas les détails. Donc c'est pour te dire, ces gens-là, ils ont éduqué leurs enfants à dire, ceux-là, ça c'est des goy, ça c'est des juifs. Quand ils voient un juif, ils le reconnaissent, ils savent. Et quand ils voient un non-juif, ils savent, ah lui c'est pas un des nôtres. Les musulmans, ils n'ont pas éduqué leurs enfants malheureusement à comprendre cette réalité-là et à faire cette distinction-là, mais c'était juste pour vous montrer que yani, ceux parmi les musulmans qui appellent à ne pas faire des différences entre les mu'minis et les kuffars et qui appellent à une sorte d'humanisme yani, qui est contraire à l'wala ou al-bara et qui est contraire au fondement de l'islam, ces gens-là, ils n'ont rien compris yani, de la réalité de l'islam. Et c'est bien dommage. Et les chrétiens, c'est la même chose. Ils ont des termes aussi pour distinguer entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens. Quand ils parlent des non-chrétiens, ils disent ça, c'est des païens. Hein? C'est des termes qu'ils utilisent pour déterminer ceux qui ne sont pas chrétiens. Ils les appellent des païens. Hein? Ou des gentils, ou d'autres. Ils ont d'autres termes qu'ils utilisent pour décrire ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, dans chaque religion, il y a des termes. D'accord ? Pour expliquer ou pour se distinguer par rapport à ceux qui croient à cette religion et ceux qui ne croient pas. Et nous, dans l'islam, étant donné que c'est la dernière révélation qui a été envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité, et que c'est le livre qui est venu abroger toutes les révélations qui sont révélées avant, hein, et que c'est le dernier des prophètes, et que c'est, comme Allah il dit, la religion qu'Allah a choisie, c'est l'islam, et qu'il dit que celui qui cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et il sera parmi les perdants dans l'au-delà. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ça, c'est des choses qui sont claires pour nous faire comprendre que c'est important et c'est même obligatoire pour nous de faire cette distinction-là, et de savoir qui est mu'min et qui est kafir. Ça, c'est juste un point en passant pour vous faire réfléchir là-dessus. Ensuite, Cheikh il dit sadisan, sixièmement, فيه المسألة التي أشار إليها الشيخ وهي أن من العلماء من يجهل معنى لا إله إلا الله لأن أهل الكتاب يدعون إليها وهم أهل الكتاب وأهل علم. Donc sixièmement, il y a un point important que le cheikh a indiqué. Il dit le cheikh Mohamed Abdul Wahhab, il a indiqué ce point-là, c'est que même parmi les ulama, il y en a qui ignorent la réelle signification de la ilaha illallah, parce que les gens du livre sont appelés à la ilaha illallah alors qu'ils possèdent un livre et qu'ils ont des gens parmi eux qui ont la science. Donc ça prouve que même malgré qu'ils ont un livre et qu'ils ont la science, ils ignorent la réalité de la ilaha illallah, et c'est pour ça que on a été commandé de commencer par cela en, quand on les appelle à l'islam, de commencer par la ilaha illallah avec eux. Et aujourd'hui même, encore parmi les musulmans, même parmi les ulamas, certains qui sont considérés comme étant des ulamas dans la Ummah, ils ont mal compris la ilaha illallah, qu'est-ce que ça signifiait. Hein? En particulier, ceux qui appartiennent à certaines jama'at ou certaines firaq qui ont dévié dans la question de tawhid. Sabi'an, في الحديث دليل على أنه لا يجوز أخذ الكرائم من في الزكاة وإنما يؤخذ من المتوسط. الشيخ يقول que il y a la preuve dans ce hadith là que c'est pas permis de prendre les meilleurs parmi les biens des gens pour la zakat. Tu prends les biens ou l'argent ou les choses qu'ils possèdent comme les animaux ou les trucs dans lesquels on prend la zakat, tu prends ce qui est entre les pas la catégorie qui est de mauvaise qualité, puis tu prends pas non plus celle qui est la meilleure, tu prends entre les deux. Et le chef, on avait expliqué ça la dernière fois. ثامنا فيه دليل على التحذير من دعوة المظلوم وأنه ليس بينها وبين الله حجاب. Huitièmement, il y a l'avertissement, la preuve qu'on doit avertir contre, on doit faire attention à l'invocation de la personne qui est opprimée. Parce qu'il n'y a pas de voile ou de barrière entre Allah et son invocation. Et donc, ça veut dire que si tu fais de l'oppression, ou c'est-à-dire si tu opprimes quelqu'un, ou tu fais de l'injustice envers quelqu'un, et qu'il invoque Allah contre toi, eh bien, son invocation risque d'être exaucée. Alors, même si c'est pas un musulman, donc ça veut dire fais attention à ton attitude envers les gens et ne fais pas d'injustice. الشيخ الذي قال الشيخ رحمه الله ولهما يعني البخاري ومسلم. Donc là, Le cheikh il continue maintenant, mais il passe à un nouveau ou bien à un deuxième hadith. Et le hadith, qu'est-ce qu'on va faire? On va le lire dans le texte, puis après on va commencer à lire l'explication du cheikh Salih al-Fawzan à ce sujet-là. Le cheikh il dit « Walahuma an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu an Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam qala yawma khaybar لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي ابن أبي طالب فقال هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ وكان لم يكن كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ويدوكون أي يخوضون. Donc ça c'est le hadith à ce sujet-là qui est mentionné par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre, et je vais faire une petite traduction de ça, après on va lire l'explication inshallah. C'est un hadith qui est rapporté selon Sahl ibn Sa'd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de Khaybar, je vais donner le drapeau ou comment on dit, la bannière à un homme qui aime Allah et son messager, et qu'Allah et son messager aiment. Et Allah va donner par celui-là la victoire aux musulmans. Donc les gens sont restés en train de parler durant la nuit, pour savoir, pour essayer de deviner, ça va être qui, la personne à qui on va donner cette bannière ou ce drapeau. Alors, lorsque ils se sont réveillés le lendemain matin, au sabah, se sont tous dirigés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en espérant que chacun d'entre eux espérait que c'est à lui qu'on allait donner ce drapeau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Où est Ali ibn Abi Talib ?» Alors on lui a répondu en disant qu'il avait quelque chose aux yeux, hein, il avait mal aux yeux. Alors on a envoyé quelqu'un pour le chercher et il est venu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craché dans ses yeux et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Et il a été guéri sur le champ, il a été guéri tout de suite. Alors la façon qu'il a été traité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il n'avait jamais eu rien aux yeux auparavant. Donc le chef il dit, donc il lui a donné le drapeau et il a dit pars vers leur, parce que c'est Khaybar, c'était comme une sorte de muraille, une sorte de ville. C'était une ville entourée d'une, comme la plupart des villes à cette époque-là, elles étaient toutes entourées d'une, un rempart, ouais, comme une sorte de rempart ou une muraille autour de la ville. Donc, ils étaient en train de, comme on dit, de l'assiéger, ok, pour essayer de l'assiéger. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le drapeau, puis lui a dit vas-y doucement et jusqu'à ce que tu arrives près de leur rempart, et puis tu les appelles à l'islam et informe-les qu'est-ce qui est obligatoire pour eux à partir des, yani qu'est-ce qui est obligatoire pour eux des obligations ou des droits que Allah possède sur eux. Et il lui a dit par la suite, par Allah je te dis que si un seul homme, hein, si Allah fait que une de ces personnes-là est guidée par toi, eh bien sache que c'est meilleur pour toi que les chameaux rouges, hein, qui étaient à cette époque une des plus grandes richesses des Arabes. Donc ça veut dire c'est mieux pour toi que si tu, possédais tous les chameaux rouges sur la terre. Donc ça veut dire que yani, c'est une des meilleures choses qui pourrait t'arriver que Allah fasse qu'une personne soit guidée à cause de toi. Donc ça c'est le hadith en question. Maintenant on va lire l'explication étape par étape de ce hadith, inshallah. Cheikh il dit, عن قال الشيخ رحمه الله ولهما يعني البخاري ومسلم عن سهل بن سعد راوي الحديث هو سهل بن سعد الساعدي الأنصاري الخزرجي وهو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما رضي الله تعالى عنهما شيخ يقول شيخ محمد الوهاب يقول les deux شيخ ont rapporté un hadith également. Non seulement ils ont rapporté le hadith qu'on a mentionné de Mu'adh, mais aussi celui de Sahal ibn Sa'd. C'est rapporté donc par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est un hadith de la plus haute authenticité. Et Sahal ibn Sa'd, c'est le rapporteur de ce hadith. Et Sahal ibn Sa'd, son nom c'est Al-Sa'idi Al-Ansari Al-Khazraji. Et lui ainsi que son père sont deux parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce hadith-là lors de Khaybar. Cheikh dit Khaybar, husnun lil-yahoud, shamali al-hijaz, wa kana bihi mazari' wa nakhil. ولا يزال يحمل هذا الاسم إلى الآن. كانت بلادا زراعية وبلاد نخيل وإنتاج للتمور ويضرب بها المثل فيقال كجالب التمر إلى خيبر أو جالب التمر إلى هجر، يعني أن الذي يأتي بشيء إلى بلد وهي تنتج ذلك الشيء ويصبح كجالب التمر إلى خيبر، ولذلك يقول حسان رضي الله عنه فإنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبدع تمرا إلى أهل خيبر. Donc le cheikh il explique que Khaybar c'était une, comme t'as dit un rempart tout à l'heure, ou bien une muraille ou une forteresse qui entoure la ville, et elle se trouvait dans la région, disons, nord du Hijaz. Et dans cette ville-là, il y avait beaucoup de palmiers, et ils faisaient pousser des dattes, ils cultivaient les dattes à cet endroit-là. Et elle porte encore ce nom-là, cette région-là porte encore le nom de Khaybar jusqu'aujourd'hui. Ça se trouve dans la région du Hijaz, comme on appelle, c'est près de, elle est dans la région près, dans les entourages de Mecca, Medina, Jeddah, le côté qui longe la mer Rouge de l'Arabie Saoudite, ça qu'on appelle Hijaz. Donc il dit que ça porte encore ce nom-là jusqu'aujourd'hui. Et à l'époque c'était un endroit où il y avait des palmiers et où on faisait pousser des dattes, etc. Et c'était tellement connu comme étant un endroit où on faisait pousser les dattes, qu'on a pris même cette ville-là comme une sorte de, on l'utilise pour faire une sorte de dicton ou un proverbe, en voulant dire, yani, comme quand tu dis à quelqu'un, c'est comme si tu veux amener des dattes à Khaybar. Comment je pourrais te dire? C'est comme si on utilise cette parole-là comme une sorte de proverbe pour dire, yani, tu t'amènes des dattes à Khaybar. Alors que Khaybar, c'est une des villes qui produit des dattes. Donc, c'est comme si, comment je pourrais dire, je sais pas moi, c'est comme si on va dire qu'à Montréal, il y avait des productions de pommes, et toi tu dis, ah, c'est comme si tu veux amener des pommes pour amener des pommes à Montréal. Donc, c'est comme si, c'est un patos parce que tu viens leur apporter quelque chose qu'ils produisent en grande quantité. Et donc, c'est pour dire à quel point ils étaient, ils produisaient beaucoup de dattes, à un tel point qu'on a utilisé cette, cette parole-là comme, comme proverbe. Comme quand on dit des fois, كان مستجير من الرمضاء بالنار. C'est comme quelqu'un qui dit, tu veux te protéger de la chaleur de l'été en te mettant près du feu. C'est comme, déjà le feu il est chaud, donc si tu vas te mettre près du feu, tu vas avoir encore plus chaud. Donc c'est la même chose, tu vas amener des dattes à Khaybar, Khaybar produit des dattes, donc tu n'amènes rien de plus. Donc dans ce sens-là. Le cheikh il donne des exemples, même il cite une parole de Hassan ibn Thabit qui était le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'est lui qui écrivait des poèmes ou qui faisait des poèmes pour réfuter les poèmes des mouchriquines à cette époque-là. Donc parmi les vers qu'il a dit, il a même donné un vers avec cet exemple-là dedans. « كَمُسْتَبْدِعِ تَمْرًا إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَةً » C'est comme si… dans le même sens que qu'est-ce que j'ai expliqué. Après, il dit, وَكَانَتْ خَيْبَرْ بِلَادًا يَقْتَنُهَا الْيَهُودِ وَجَلَى إِلَيْهَا الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ لَمَّا أَجْلَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ بَنُ النَّضِيرِ الَّذِينَ غَدَرُوا بِالْعَهْدِ فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتركوا له ما معهم من السلاح والقوة وأن يجلوا إلى خيبر وإلى أذرعات بأرض الشام كما ذكر الله ذلك في أول سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله إلى آخر الآيات فهؤلاء هم بنو النضير من اليهود. Le cheikh il dit que Khaybar c'était une ville qui était habitée par les juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait expulsés vers cette ville-là ou vers cet endroit-là après qu'il c'est-à-dire il avait fait un traité avec ces juifs-là, c'était les juifs de la tribu de Nadir, Banu Nadir. Il avait fait un traité avec eux, une entente avec eux de paix, mais ils ont trahi leur entente. Alors, pour les punir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une entente avec eux, encore une fois, et les juifs ont demandé, parce qu'il les a expulsés vers la ville de Khaybar, et ils ont demandé de pouvoir garder leurs armes et leurs forces, et de leur permettre de s'en aller vers Khaybar et vers une autre ville qui s'appelait Azra'at, qui est dans la Syrie. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a permis de s'en aller dans ces endroits-là, et l'histoire qui se rapporte à cet événement-là est mentionnée dans Surat al-Hashr dans le Coran. Surat al-Hashr qui dit, c'est هو الذي أخرج الذين كفروا. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait sortir les gens qui ont mécru, les kuffars, parmi les gens du livre, qui les a fait sortir de leur maison, les awwal al-hashr. Vous ne pensiez pas qu'ils sortiraient, et eux ils ont pensé que leur muraille ou que leur forteresse les protégerait contre Allah subhanahu wa ta'ala. Puis la suite du verset est mentionnée dans la surah, vous pouvez retourner pour voir, c'est de ces gens-là dont on parle dans cette surah. Surat al-Hashr, je pense que c'est traduit par l'Exode. Si vous retournez, vous allez voir, c'est l'Exode, si je ne me trompe pas. Et je pense que c'est la surat 59. Okay. Vous pouvez en même temps voir la traduction. Donc, le cheikh il dit que ça, c'était les juifs de la tribu de Nadir. Il y avait plusieurs tribus juives qui habitaient à Médine à l'époque. Il y avait Bani Nadir, Bani Qaynuqa et il y avait une autre encore, j'ai oublié, Bani Qurayza. Bon, il y avait ces trois tribus-là, puis ça c'était une des tribus en question. Donc c'est eux qui vivaient à Khaybar. Ensuite, le Cheikh il dit, « ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاهم في السنة السابعة من الهجرة بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة، ومكنه الله منهم وفتح خيبر، وحصل المسلمين منها على خيرات كثيرة. Le Cheikh il dit que par la suite le prophète صلى الله عليه وسلم les a recombattu encore plus tard vers la septième année après le Hijra, après l'entente de Al-Hudaybiyah, avant la conquête de la ville de Mecca. Ok, et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la force aux musulmans contre eux, et les musulmans ont donc conquis Khaybar. Et ils ont eu de cette ville-là beaucoup de biens et beaucoup de richesses. Le Cheikh dit: ثم إنهم تعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا فيها عمالا للمسلمين وأن يزرعونها بأجرة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا فيها إلى أن أجلاهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم فيها إقرارا دائما، وإنما قال نقركم فيها ما شئنا. Le Cheikh il dit que par la suite, ils ont fait encore une entente avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir rester, malgré que les musulmans ont conquis cet endroit-là, ils ont réussi à la prendre. Ils ont fait une entente avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur permette de rester dans la ville de Khaybar, et qu'ils allaient continuer à cultiver les dattes, mais qu'ils allaient le faire comme s'ils étaient des employés pour les musulmans. C'est-à-dire, on va rester et on va travailler pour vous, on va cultiver les dattes pour vous, et vous allez nous donner un salaire pour ça. C'est-à-dire, on va être vos employés. Au lieu de nous chasser, de nous expulser, gardez-nous ici, puis nous on va travailler pour vous en échange. Donc c'est ça, c'était comme un peu ça la logique derrière ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cette condition-là, et il leur a permis de rester là-bas. Toutefois, ils sont restés là-bas jusqu'à ce qu'Omar les expulse complètement, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait seulement acceptés, ou avait accepté seulement qu'ils demeurent là-bas pour un certain temps, et non pas pour toujours. D'accord? Et même, c'est pour ça, même le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, la yajtami'u dinan fi jazirat al-arab, et il a dit dans d'autres hadiths, la akhrujanna al-yahuda wa al-nasara min jazirat al-arab. Donc, il avait expliqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aurait voulu expulser les juifs et les chrétiens de la péninsule arabe. Ok? Et il a dit, il ne peut pas se réunir deux religions dans la péninsule arabe. Donc, c'était pour faire comprendre que les juifs ne pouvaient pas rester là-bas indéfiniment. Ils devaient venir, puis ils pouvaient rester dans ce temps-là, puis par la suite, ils devaient se faire expulser. Donc c'est ça ce qui s'est produit par la suite à l'époque de Omar ibn Khattab. C'est ça. Après il dit: حاصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد الأمر بالمسلمين في الحصار من قلة ذات اليد ومن طول الحصار، فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة من أجل أن يذهب عنهم ما يجدون من المشقة وطول الانتظار. Le Cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donc assiégés, et ça a été très difficile pour les musulmans de faire de les assiéger, parce qu'ils avaient peu de moyens et peu de force, et qu'ils sont restés très longtemps à les assiéger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc donné la bonne nouvelle qu'ils allaient avoir finalement être capables de conquérir cette ville. Et pour en fait les soulager en même temps de toute la difficulté qu'ils avaient ressentie d'avoir attendu si longtemps. قال الشيخ رحمه الله في هذا ما يجري على أولياء الله من الجوع ومن الوباء يعني ما يجري عليهم في هذا الحصار من المشقة مع أنهم أولياء الله وفيهم رسوله صلى الله عليه وسلم ومع هذا نالهم مشقة وجوع في هذا الحصار وفي هذا دليل على أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وأن الجوع والفقر ليس دليلا على بغض الله لمن يصيبه ذلك فإن هذا قد يصيب أفضل الخلق. Le Cheikh explique que ça c'est ce qui arrive aux gens qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ça peut arriver même aux plus rapprochés parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ils peuvent être pris par la faim et par toutes sortes de maux et de difficultés eux aussi. Et le chef il explique que ce qu'ils ont ressenti durant le temps qu'ils ont assiégé les Juifs à cet endroit-là, malgré que ce sont des hommes parmi les serviteurs qui sont les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils sont des alliés d'Allah, et qu'il y a parmi eux le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout ça, ils ont quand même eu de la difficulté, de la faim, hein, et toutes sortes de fatigue, etc. Donc, ça c'est la preuve que Allah, il donne la dunya à qui il aime et à qui il n'aime pas. C'est-à-dire la dunya, les biens de cette vie, il peut les donner à qui il aime et même à qui il n'aime pas, parmi les kuffars. Toutefois, يعني الآخرة إلا دون سلمة أسو كيلم إذنك ستفع كمبراند يعني سبوين لا من لا يحب الجوع إذن كالكن رسال الفين إلى فوفتي سنفق سنفق إمبراف كالله نتمبا ستو رسال الفوفتي إلى فين إذن سدفكولتي دسجان بسد في Ça ne veut pas dire que Allah ne t'aime pas à cause de ça. Ça peut même arriver à la meilleure parmi les créatures, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala sallallahu alayhi wa sallam, la utiyanna al-raya. Al-raya, hiya al-alam al-lazi yahmiluhu al-jund. Min ajli an yahtadu bihi, wa yaltafitu hawlahu fil-qital. Hamlu al-alam fil-ghazwi, min sunnati al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. وكان له رايات وكان مكتوبا في رايته صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله. Cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit je vais donner le drapeau ou la bannière, l'alam, l'étendard, des fois ils disent l'étendard si je ne me trompe pas, il va donner la bannière à quelqu'un, comme dans le hadith. Et le Cheikh explique c'est quoi raya. C'est un drapeau, ou un drapeau que des soldats transportent. Lui, dans la bataille, qu'est-ce qu'il fait? Il transporte le drapeau. Et en fait, il sert de guide pour les autres, pour que les gens se rassemblent autour de lui, dans le combat. Et de transporter le drapeau durant la guerre, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des drapeaux et des gens qui portent les drapeaux, et sur son drapeau c'était écrit La ilaha illallah Muhammad Rasulallah. C'est ça le drapeau des musulmans. La ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Donc le Cheikh il dit Rajulan, la utiyanna rayata rajulan yuhibbullah, la utiyanna rayata radan rajulan yuhibbullah wa rasulahu. ويحبه الله ورسوله هذه ميزة عظيمة لهذا الرجل الذي يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففيه فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بهذه الشهادة العظيمة أنه يحب الله ورسوله وأنه يحبه الله ورسوله وله فضائل كثيرة وإن كان الله جل وعلا يحب المؤمنين كلهم والمؤمنون يحبون الله كما قال الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فالحاصل أن ميزة محبة الله ورسوله للمؤمنين موجودة في كل مؤمن ومؤمنة عموما، ولكن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي ابن أبي طالب بخصوصه فيها ميزة له. ففي هذا رد على الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وكفروه، كما أن فيها ردا على المواصب الذين يبغضون عليا ويسبونه، وفيها إثبات فضيلة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين، وفي هذا أيضا إثبات صفة لله سبحانه وتعالى أنه يحب عباده المؤمنين، فالله يحب عباده المؤمنين ويحب أولياءه، ففيه إثبات المحبة لله عز وجل ردا على من ينفي هذه الصفة من الأشاعرة وغيرهم. الشيخ explique un point maintenant, c'est lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'il allait donner ce drapeau ou cette bannière, il allait la donner à quelqu'un qui aime Allah et son messager et que Allah et son messager aiment. D'accord? Donc il y a donc dans ça une particularité importante pour cet homme à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner cette bannière. Ok? Et donc c'est un mérite pour Ali ibn Abi Talib, le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné donc à son sujet. Il y a fait ce témoignage à son sujet que Allah l'aime et que le messager, que Allah, et qu'il aime Allah et son messager et que Allah et son messager l'aiment. Et il y a aussi beaucoup de mérite également pour ce compagnon-là parmi les compagnons du prophète sallam. Hein. Et donc le cheikh il dit qu'en fait, Allah il aime tous les mu'minines. Hein. Allah il aime tous les mu'minines. Et les mu'minines et les mu'minounes, kulluhum, hein, tous les croyants aiment Allah. Allah aime tous les mu'minines en général, et les croyants aiment Allah subhanahu wa ta'ala en général. Comme Allah il a dit dans le Coran, فَسَوْفَ يَأْتِنَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah va faire venir, يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Il va faire venir un peuple qui aime Allah et qu'Allah aime. Et donc ça prouve que Allah aime les croyants en entier et que les croyants aiment tous Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié dans ce hadith-là, cette chose-là, c'est pour dire que c'est comme pour spécifier, pour dire qu'il y a cette caractéristique-là dans ce compagnon en particulier. Même si c'est présent en réalité pour tous les croyants et les croyantes en général. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié ça pour Ali ibn Abi Talib en particulier, pour lui. Et donc, il y a dans ça une réfutation des Khawarij qui ont fait le takfir de Ali, qui ont dit que Ali ibn Abi Talib était un kafir, et qui ont pris les armes contre Ali. Donc ça, c'est une réfutation pour eux, parce que ils n'avaient pas le droit de faire ça, puisque Allah et son messager l'aiment et qu'il aimait Allah et son messager. Et en même temps, il y a une réfutation pour les Nawasib, ceux qui insultent et qui détestent Ali ibn Abi Talib, d'accord? Et également, il y a un mérite aussi pour Ali, qui est le fils, hein, il y a beaucoup d'autres mérites aussi pour Ali ibn Abi Talib, comme le fait qu'il est le fils de son oncle, c'est-à-dire il est le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est le quatrième parmi les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam bien guidé. Et donc, il y a aussi comme... Ah oui, c'est ça, le cousin, je m'excuse. Le fils de son oncle, donc c'est son cousin. Chaque fois, je dis le neveu. C'est parce qu'à chaque fois, tu lis dans les traductions, ils disent neveu. Et c'est, en fait, c'est une erreur parce que c'est le fils de l'oncle. Donc c'est le neveu, c'est le cousin, en fait. Ah oui. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et, oh oui, le cheikh dit également, il y a l'affirmation dans ça de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-mahabba. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ses serviteurs croyants. Hein? Et, Allah subhanahu wa ta'ala aime les awliya, ses alliés, et il aime les mu'minim. Et donc, il y a une réfutation des asha'ira et des autres gens de bid'a qui rejettent ou qui refusent d'affirmer cet attribut-là parmi les attributs qu'Allah s'est affirmé dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé également dans la Sunna. Ensuite, le Cheikh il dit, يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la victoire, va donner la victoire aux musulmans par les mains de ce compagnon-là qui allait porter ce drapeau. هذه الميزة الثانية لعلي بن أبي طالب أن الله جل وعلا يفتح هذا البلد المستعصي على يد هذا الولي من أوليائه. Ça c'est également une autre caractéristique de Ali ibn Abi Talib, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait donner la victoire aux musulmans par les mains de ce serviteur qui était un des alliés parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, ça indique une autre caractéristique de Ali. وفيه علامة من علامات النبوة حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أما يحصل في المستقبل وقد حصل كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. Il y a également les signes de que la prophétie du prophète صلى الله عليه وسلم est véridique, que c'est un vrai prophète. Pourquoi? Parce qu'il a informé d'une chose qui allait se produire dans l'avenir et elle s'est produite, comme il l'avait prédit. Donc ça c'est une preuve hein, de sa prophétie. فالناس لما سمعوا بهذه البشارة العظيمة سمعوا ووصف هذا الرجل الذي يتولى ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتموا بهذا الأمر لمحبتهم للخير. وباتوا ليلتهم يدوكون يبحثون عنه مثل ما مر معنا في 70,000 الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهض ودخل منزله فخاض الناس في أولئك. وهذا دليل على أن الصحابة يهتمون بالفضائل ويهتمون بأمور الآخرة أكثر مما يهتم أهل الدنيا بدنياهم، وأنهم يتنافسون في الخيرات حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما تمنيت الإمارة إلا هذه الليلة، تمنى أن يكون هو ذلك الأمير الذي يقود الجيش يفتح هذا البلد حتى ينال هذه الميزة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الشيخ الزي لسكن الصحابة ont entendu cette bonne nouvelle, cette grande nouvelle et cette description de cet homme à qui on va donner la bannière, eh bien les Sahaba, ils ont pris donc cette nouvelle-là avec beaucoup d'intérêt. Et ils ont pris ça avec beaucoup d'importance parce qu'ils aiment le bien. Okay? Et donc ils ont passé toute leur nuit à essayer de trouver qui allait être cette personne. Comme on l'a déjà mentionné dans l'histoire des 70 000 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à leur sujet qu'il entrerait au paradis sans aucun jugement ni châtiment, ils ont, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé des 70 000, les sahaba sont restés à se poser la question, yani, pour savoir qui allait être ces 70 000. Mais là encore, on voit la même chose, qu'il parle d'un homme qui allait porter la bannière et qui aime Allah et son messager et qu'Allah son messager aime, ils veulent savoir c'est qui. Hein? Et donc il y a la preuve dans ça que les Sahaba aiment tout ce qui amène du bien et des mérites et des choses qui ont rapport avec les affaires de l'au-delà, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le paradis après la mort. Et la plupart, donc ils voulaient tous savoir qui allait être cette personne. Et ils avaient plus d'intérêt pour les choses de l'Akhira que un d'entre nous qui s'intéresse à la dunya. L'intérêt qu'on a aujourd'hui pour la dunya, eux, ils avaient ce même intérêt-là, sauf que c'était pour l'Akhira. Au lieu de l'avoir pour la dunya, ils l'avaient pour qu'est-ce qui a rapport avec la vie après la mort. Donc, ça c'est la différence entre les Sahaba et les autres qui s'attachent uniquement ou bien plus à la dunya que à l'akhira. Ils se disputaient entre eux dans le sens qu'ils faisaient des compétitions entre eux pour le bien, pour savoir qui allait faire le plus de bien ou qui allait faire le bien en premier. Et donc, à cause de ça, on a même vu que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet-là? Il a dit, je n'ai jamais souhaité d'être chef, d'avoir une position de amir, excepté cette nuit-là, pour avoir le mérite qui vient avec le fait d'être celui qui va porter cette bannière, et que Allah et son messager aiment, et que lui aime Allah et son messager. Donc c'est pour dire à quel point les sahaba avaient cette intention, cet intérêt de faire le bien et d'être parmi ceux qui font le bien. Hein, il avait souhaité, Omar ibn al-Khattab, être ce chef de l'armée qui allait diriger cette armée vers la victoire. وقوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذهبوا إليه مبكرين من الغدوة يقال غدا إذا ذهب وعليكم السلام ورحمة الله يقال غدا إذا ذهب في الغدو وهو الصباح ويقال راح إذا ذهب في المساء وقد وقت الرواح فالغدو الذهاب في أول النهار والرواح الذهاب في آخر النهار. Le cheikh explique qu'ils se sont tous précipités tôt le matin pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tôt le matin ils sont allés voir le prophète. Ils étaient très impatients, dans le sens qu'ils avaient hâte de savoir c'est qui allait avoir cette bannière, ce drapeau, et ils veulent tous l'avoir. Hein, donc ils se sont tous précipités tôt le matin pour aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir qui allait avoir cette bannière. Et il explique que le mot en arabe, rada, ça s'applique au matin ou à l'aube, tandis que rawah c'est pour le soir, de partir le soir ou à la fin du jour. Et il dit que كلهم يرجو أن يعطاها أي كل يرجو أن يكون ذلك الرجل هو ذلك الرجل لرغبتهم في الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله والحصول على هذه البشارة العظيمة. Le cheikh il dit que chacun d'entre eux il souhaitait être celui à qui on va donner cette bannière et être cet homme parce qu'ils aimaient faire le jihad dans le chemin d'Allah et élever la parole d'Allah et d'arriver à acquérir ou de posséder cette bonne nouvelle, hein, cette bonne nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncée de la victoire. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ قال الشيخ رحمه الله في هذا دليل على الإيمان بالقدر لحصولها لمن يسع لمن لم يسع لها ومنعها عن من سعى وأن الإنسان وإن فعل السبب فإنه قد لا يحصل على المطلوب ولكن مأمورون بفعل الأسباب أما النتائج فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى ولكن يؤجرون على مسعاهم وعلى نيتهم الطيبة وعلى رغبتهم في الخير وعلى خطواتهم ومشيتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ يزي que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit dans ce point-là, où est Ali ibn Abi Talib? Il a demandé, où est Ali ibn Abi Talib? Et le Cheikh explique que le Cheikh a dit qu'il y a dans ça une preuve pour la foi en Al-Qadar. Il y a une foi pour la preuve en la prédestination. Du fait que quand quelque chose a été prédestiné pour quelqu'un, elle va lui arriver ou elle va lui être donnée, même s'il n'était pas là ou même s'il n'était pas prêt à la recevoir. Tandis que celui qui a fait des efforts pour l'avoir et qui s'est précipité pour l'avoir, comme ceux qui se sont levés très tôt, qui sont allés très tôt voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, espérant ou souhaitant être cette personne qui allait la recevoir, eh bien, lui, il se peut qu'elle ne lui soit pas donnée. Hein? Regardez ceux qui se sont levés tôt, qui sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun souhaitant que ce soit lui, et l'autre, Ali ibn Abi Talib, hein, radiallahu anhu, qui est chez lui qui est malade, hein, qui a une maladie dans les yeux, il est chez lui, peut-être il aurait souhaité, mais il peut pas, il croyait qu'il pouvait pas faire ça, hein, partir avec sa situation, et eh bien c'est à lui, c'est sur lui que c'est tombé. C'est lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi. Donc, ça nous montre qu'il faut avoir la foi en la prédestination. Et que le cheikh il dit qu'un être humain peut faire beaucoup d'efforts et faire tous les moyens nécessaires pour arriver à avoir quelque chose, et il n'arrive pas à atteindre le but qu'il s'est établi, ou d'avoir atteindre son objectif, ou avoir qu'est-ce qu'il voulait. Mais même si on n'arrive pas au résultat qu'on a voulu, on a quand même l'ordre de faire des efforts pour faire les moyens nécessaires pour arriver à ce but-là, et le résultat appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et on sera récompensé pour notre effort et pour notre bonne intention et pour le fait qu'on a voulu le bien et qu'on a aimé le bien, et aussi parce qu'on a fait des pas et on a marché vers le bien, comme ceux qui ont marché vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils n'ont pas eu le drapeau, même si ce n'était pas eux qui l'ont transporté, mais quand même ils ont la bonne intention, ils ont les récompenses pour l'intention, ils ont la récompense pour le fait qu'ils ont fait l'effort, ils avaient aimé le bien et tout, donc ils auront quand même des récompenses pour ça, même s'ils n'ont pas atteint ou eu le résultat qu'ils souhaitaient. Et ça, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme ça, des fois, ils se découragent parfois, hein, quand on leur parle, par exemple, de pratiquer l'islam, d'appeler les gens à l'islam, etc., de donner le nasiha, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, ils disent, non, ça sert à rien, hein, ça sert à rien, les gens écoutent pas, les gens acceptent pas, etc., hein. Mais toi, c'est pas ton problème que les gens acceptent ou acceptent pas. Ton problème, toi, tu as la bonne intention, toi, tu es commandé de le faire, tu as la bonne intention, tu as fait des efforts, ça, Allah va te récompenser pour ça, c'est pas gaspillé, c'est pas perdu, mais le résultat, c'est à Allah qu'il appartient. Est-ce qu'Allah va accepter, est-ce qu'Allah va la guider cette personne ou non, ça, ça t'appartient pas, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, quand même, toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Donc ça, c'est... ça nous aide à comprendre cette question-là et ce problème-là. Vous direz, il y en a qui disent, ah, ça sert à rien, les kuffars, tu leur parles, ils n'écoutent pas. Oui, mais c'est pas ça que Allah t'a demandé. Allah, il t'a pas demandé de mettre la foi dans leur cœur. Tu peux pas les guider. C'est pas toi le guide, mais c'est Allah qui guide. Toi, tu donnes le message, tu fais l'effort, tu as l'intention, etc. Tu vas être récompensé pour ça. Le reste, le résultat, ça appartient pas à toi, mais à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Iddi wa qala al-Sheikh Aydan, فيه تفقد الإمام أو القائد لجنده يعني من حضر ومن تخلف قال أين علي هذا تفقد للجند ما سكت وما ترك الذي لم يحضر بل تفقده فالإمام والقائد يتفقد جنوده ويتفقد رعيته ولا يسمح لأحد أن يتخلف من غير عذر شيخ الزيكة. Il y a ici l'exemple que l'imam ou le dirigeant, le chef de l'armée dans un pays musulman, il doit voir que tous ses soldats sont présents à l'appel. Hein, lorsqu'il y a l'appel, ils doivent tous être là devant lui. Hein, parce qu'on voit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demande « Où est Ali ibn Abi Talib ?» demande pour son soldat, ça c'est l'exemple, un de ses soldats, comme si c'était des soldats dans une armée. Donc quand vous allez dans les pays, différents pays, n'importe quel pays, il y a des armées, et bien il y a toujours des régiments, puis des groupes qui, par exemple, ont des responsables, et chaque fois qu'ils font le rassemblement, ils voient qui est là, qui n'est pas là. S'il y a quelqu'un qui n'est pas là, où est-ce qu'il est celui-là? Hein, c'est comme ça. Donc c'est ça. Aïna al-Hudhud, hein, c'est ça? Hein, oui, c'est ça. Donc, Sulaiman lui a encore plus parce qu'il avait le contrôle. Allah lui a donné le contrôle sur les animaux ou sur les djinns. Alors il demandait où est-ce qu'il est tel oiseau, des choses comme ça. Donc ça, ça montre le même principe. Et donc, le cheikh, il dit que le dirigeant de l'armée, chef de l'armée, il doit faire la même chose avec ses soldats, il ne doit pas se taire ou laisser l'affaire comme ça, mais il doit demander où est-ce qu'il est son soldat, etc. Et il essaie de savoir qui est absent, qui n'est pas absent. Et personne n'est excusé de ne pas être présent sans excuse valable. Si quelqu'un n'a pas une excuse valable, il n'est pas excusé de son absence. قيل وهو يشتكي عينيه أي أصابه رمد وهو مرض من أمراض العيون المعروفة عند الأطباء ويروى أنه أصابه في المدينة وأنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المرض ولكن بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة ضاقت عليه نفسه وقال كيف أتخلف عن الرسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وهو مريض ولحق النبي صلى الله عليه وسلم وما طابت نفسه أن يبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الصحابة كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول الله تعالى وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. Donc le cheikh il dit que Ali ibn Abi Talib, les sahaba ont répondu en disant qu'il se plaint de ses yeux, il a quelque chose aux yeux, c'est-à-dire il avait une maladie qu'il appelle Ramad, et il dit que c'était une maladie qui était parmi les maladies qui sont connues chez les médecins, et cette maladie-là l'avait atteint lorsqu'il était à Médine, okay avant qu'il arrive à Khaybar, il a déjà cette maladie-là. Et puis il était resté, il n'était pas parti pour Khaybar, il était resté à Médine, parce qu'il était malade, il avait cette maladie-là aux yeux. Toutefois, lorsqu'il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti avec les Sahaba, il s'est senti à l'étroit, il s'est senti mal d'être resté derrière. Alors il dit, comment moi je peux rester derrière alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti? Alors il est parti, malgré qu'il était malade, il est allé rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne pouvait pas accepter qu'il reste derrière alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba étaient partis au combat. Et ça c'était l'attitude de tous les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit le verset que Allah, dans lequel Allah il dit qu'on a lu en arabe tout à l'heure, en français c'est traduit, il n'appartient pas aux habitants de Médine ni aux bédouins qui sont autour d'eux, qui habitent dans les alentours, de traîner loin derrière le messager d'Allah, ni de préférer leur propre vie à la sienne, car ils n'éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier d'Allah, ils ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des infidèles, ils n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi sans qu'il ne leur soit écrit pour cela une bonne action. En vérité, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs, muhsinin. Donc ça c'est la traduction de ce verset que le cheikh a mentionné. Après, le cheikh il dit dans la sourate Tawbah, le verset 120, 120. الشيخ الذي فأرسلوا إليه أرسل إليه ما يأتي به أتى به فأتى به وفأتي به فبصق في عينيه يعني تفلى من ريقه الطيب الطاهر في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبرئ كأن لم يكن به وجع. نعم هذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم حتى قال علي لم يصبني مرض بعد ذلك يعني استمر هذا الشفاء طول حياته رضي الله عنه ببركة ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبوضوئه أمر مشروع، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يتبرك بشيء منه ولا يتبرك بشيء من الصالحين والأولياء، لأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك لم يتبرك بريقه يتبرك بريقه ولا بعرقه رضي الله عنه، وما فعله الصحابة معه لعلمهم أن هذا لا يجوز إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما انفصل من جسده صلى الله عليه وسلم، أما أن يتبرك بحجرته أو بقدره فهذا لا يجوز، لأن هذا ليس منفصلا عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتينا باب خاص بمن تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها لشيخ الزيت. Donc ils ont envoyé quelqu'un pour chercher Ali, et donc quelqu'un est allé le chercher et il l'a amené. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il a mis de sa salive dans les yeux de Ali ibn Abi Talib, de sa salive pure et bonne, il l'a mis dans les yeux de Ali ibn Abi Talib et il a été guéri automatiquement de ce qu'il avait comme maladie et comme souffrance. Et ça, ça fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à même que Ali a dit par la suite, je n'ai jamais plus eu de cette maladie-là jusqu'à la fin de mes jours. Par la suite, il n'a jamais eu encore cette maladie-là à cause de la bénédiction de la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette baraka. Et le cheikh dit qu'il n'y a pas de doute qu'on a le droit de prendre la baraka par la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa sueur et par l'eau avec laquelle il a fait son wudu. Tout ça, c'est quelque chose de permis. Ça fait partie de la charia de faire ça. Toutefois, ça c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on n'a pas le droit de chercher la bénédiction de personne d'autre en dehors de lui. C'est-à-dire de chercher la bénédiction d'une créature dans ce qui vient de lui, soit sa salive ou sa sueur ou son wudu et des choses de ce genre. D'accord? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis qu'on fasse ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il l'a pas permis pour personne d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'a pas le droit de chercher la baraka par les hommes pieux et par les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est, comme on a dit, spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a des soufis, parmi des groupes de soufis, ils cherchent la baraka des chouyoukh soufis. Ils vont toucher le cheikh, ils vont essayer de toucher tout ce que le cheikh a touché, ils considèrent parfois même qu'il y a une baraka là-dedans. Okay? Donc c'est pour vous montrer que ça c'est une forme d'exagération à propos des salihin, ou bien même de ceux qui ne sont même pas des salihin, ils cherchent la baraka d'eux, ou bien ils cherchent la baraka, comme le cheikh il dit, des endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu, par exemple, comme quand ils vont à Mecca ou à Medina, ils touchent à certaines choses et ils croient qu'il y a une baraka en touchant à ces choses-là. Il y a une bénédiction de toucher à ces choses-là, comme par exemple de toucher au mur de la mosquée ou au mur qui entoure la chambre de Aïcha radiallahu anha ou la tombe ou des trucs de ce genre, ou la Kaaba ou des choses comme ça. Et ils croient qu'en faisant ça, ils en prennent une baraka. Et ça, comme le cheikh a expliqué, ça c'est interdit de faire ça. Parce que on a seulement le droit de le faire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui vient de son corps. Comme par exemple, s'il y a un de ses cheveux qui est tombé, ou bien par exemple ses ongles, ou des trucs qui font partie de lui, qui sont séparés de lui, dans ce cas-là, oui, mais si c'est quelque chose qui est séparé de lui, comme c'est-à-dire le mur, ou des choses de ce genre, ça fait, comme tu dis, le bâton que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait, des choses de ce genre, ou son épée, ou des trucs comme ça. Les vêtements, c'est la même chose, mais ici, il parle seulement de qu'est-ce qui fait partie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui a fait partie de son corps à un certain moment donné. Qu'est-ce que je voulais dire? Le cheikh, il dit, regardez par exemple Abu Bakr. Abu Bakr al-Siddiq, c'est le plus proche, le meilleur musulman, le plus grand parmi les gens de cette Ummah après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, c'est le plus grand wali, si tu veux, le plus grand wali de cette Ummah après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, personne n'a jamais, parmi les sahaba qui étaient avec lui, personne n'a jamais essayé de prendre la baraka de sa salive ou de sa sueur, ou bien de quelque chose qui est de lui. Et les sahaba n'ont jamais fait ça avec lui. Donc ça prouve que c'est pas permis de le faire pour quiconque en dehors de Abu Bakr, encore moins pour quelqu'un d'autre que lui. Et les sahaba, ça fait très bien que c'était pas permis pour eux de faire ça. Le cheikh a dit qu'on va revenir à ce sujet-là parce qu'il y a un chapitre spécifique sur la question de At-Tabarruk. Donc on va arriver à ce chapitre-là plus tard, inchallah, puis on expliquera les détails de cette question-là, parce que les gens de Bid'a maintenant, parmi les soufis et les autres, parmi les gens qui sont déviés à ce sujet-là, eux, ils appellent les musulmans à ça, et ils disent que ça c'est bien de faire ça, et que c'est correct. Et donc, ça c'est pour faire comprendre que c'est contraire à l'islam de faire des choses pareilles. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis on continuera demain, bi'iznillah, à la même place, là où on est rendu, Inch'Allah. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفيكم بركة إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله.